We'll be right back. Thank you. Thank you.

Séjourner dans une maison de vacances à Britel, il n'y a que vous. Oh.